vous avez un problème, nous avons un podcast. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Frédéric, je te salue. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Antoine, Frédéric, mes salutations. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Et aux chips, Mathieu Bouillon. Un peu de sérieux. Ça, c'est grâce à Sonar, gracieuseté de Sonar, qui fournit les chips. Et les micros. Mathieu. Oui. Alors, pas de problème. comme à chaque semaine, on aborde un problème. On tente de trouver des solutions. Mm-hmm. Après que Antoine a lu ses feuilles. Et puis... C'est correct, quand on est au sommet, on vit la critique. C'est parfait. Ce sera pas long, je vais moucher ma chip. Moi. Antoine, on adore. Moi, j'aime bien ça. Ben oui. On adore. Hey, je m'en fous, les gars, de ce que vous pensez de moi. Moi, j'ai une mission, c'est de devenir le podcast numéro un. Toi seul. Avec trois boulets. Faut que je traîne. C'est malgré vous. Je me suis donné un défi supplémentaire. Trois boulets, mais tout un canon. Oh! Mais nous aussi, on a un défi à vous offrir. Changez le monde avec le moins d'efforts possible. Rendez-vous sur Facebook, offrez-nous vos solutions et peut-être que vous aurez un 12 pouces de sub-nose. Sub-nose. Non, mais je suis en train de parler avec une compagnie de t-shirts pour peut-être avoir des t-shirts, des nouveaux t-shirts de pas de problème. Des nachos! Ouais, peut-être un nacho. Oui. Se baser sur le meilleur design, un peu le principe, faire un dessin derrière avec une joke, marquer pas de problème en avant. Je suis en train d'être en train. Ben, il y a peut-être des t-shirts comme ça, là. Ouais. Je suis en train d'être en train. Ben, j'ai trouvé le symbole, la crise et opportunité. Oui, c'est oui, cool. Ils sont qui veut aussi dire plein d'affaires. Ouais. Ah ouais? Voilà. Oui. Tu veux dire Lucy Liu aussi, je pense. Non, ça veut aussi dire machine, mécanique, avion, point crucial, pivot, chance, lien clé, tabard secret. Blague. Ça veut dire... Che, pardon. Tabarlotte. Ça veut dire... ça veut dire plein de choses, en fait. Fait qu'on peut l'essayer, peu importe la situation, puis ça devrait marcher. Ouais, c'est un peu... Mais tu sais pas comment il se prononce, pivot, hein? Pivot, chance. Il se prononce... Il me chatouille. Il me chatouille. Il me chatouille. C'est pas moi qui a dit ça, là. Est-ce qu'on a un problème? J'ai entendu. Alors, on passe directement au problème d'aujourd'hui. Directement. Oui, problème qui nous vient de Rémi Vachon. Oh! Et ça commence d'une drôle de manière. Ah oui! Rémi Vachon Oui. Non, mais Rémi Vachon qui prend plus son pseudonyme. Non, mais il réutilise à la fin. Ah oui, OK. Oui, c'est le beau banjo. Voilà. Cher, pas de problème. Ma belle-sœur est aux prises avec un gros problème. Elle a reçu un cadeau de Noël de type décoratif qui est franchement très laid. Normalement, elle n'aurait eu qu'à s'en débarrasser, mais malheureusement, c'est de la part de sa femme de ménage. Donc, cette dernière revient très souvent dans l'appartement et voit évidemment si le cadeau est accroché ou pas. Ce qui complique les choses, c'est qu'il s'agit aussi d'une amie de longue date et qu'elle lui a explicitement mentionné lorsqu'elle lui a donné qu'elle avait fait des pieds et des mains pour réussir à trouver le dit cadeau. Pas de problème. Comment faire pour éviter de vivre avec cette horreur au quotidien tout en évitant de se mettre sa femme de ménage à dos parce qu'on ne laisse pas l'accès de son tiroir à bobettes à n'importe qui. Et ça nous vient de Banjo Bouchon. Banjo Bouchon. Mais là... C'est vraiment un excellent problème. Sa belle-sœur. Mais l'affaire, c'est que Banjo, il a tellement plus de problèmes, il nous a tout offert, que il va chercher celui de sa belle-sœur. Banjo, c'est un paquet de troubles. Il y en a, là, des milliers. Non, mais c'est pas... La table de Fred. La table d'appoint de Frédéric. C'est parce que Fred a applaudi puis ses pantalons ont déchiré. Donnez-moi pas des petites claps! Clac, clac. Mais c'est gros, ça nous est tous arrivé quand même. Là, hein? On en a tous des cadeaux qui n'ont pas de bon sens. Oui. Moi, messieurs, j'ouvre le bal avant qu'Antoine parte. On commence. Pour sa logorée, là. Quand j'étais jeune, ma grand-mère, qui est la reine du marché aux puces, nous achetait des cadeaux que nous, on calculait en poids, tellement c'était n'importe quoi. C'est des gros sacs de carton avec plein d'affaires dedans. Tu sais, My God. C'est n'importe quoi, là. Des pantoufles, des bonhommes, des faux G.I. Joe, des affaires du Burger King, des tablettes de bibliothèque, tu sais, des My affaires. My God! C'est qu'on fasse avec ça. Oh. Puis c'est ça, mais... Je sais pas, on se forçait pas à cet âge-là à essayer d'être content. Je pense qu'on les sacrait au vidange en arrivant, pour être franc. Mais si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense que je changerais une obligation de les mettre à quelque part. Puis le pire, c'est qu'elle devait aimer ça, magasiner. Mm-hmm. Mais elle se promenait en disant... Ah, oh, ça, Jean-Philippe va aimer ça. Ben, c'est ça. Oh, la belle tablette de bibliothèque pour Jean-Philippe. C'est parfait. Ça va aller au-dessus de l'autre tablette que j'ai donnée. Il aime assez ça, les vieux 7 jours. Non. Ben, il y a des trucs... C'est ça. Ça prend une bonne gestion, là, mais de rentrer-sortir. Oui. Ouais, quand vient tout ça. Ben, écoute, il y a la grande voix s'en débarrasser. Mm-hmm. Trouver une raison. Je l'ai brisé, il est tombé. Je suis allergique au laminage. Je suis allergique. Là, si on peut élargir aussi, si on a des pièces de vêtements, la grandeur de vêtements. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu, ma mère est venue. Elle a adoré, elle pleurait. Ça lui rappelait son Italie, une enfance. Je sais pas trop. Son appartement. Je lui ai donné. Je lui ai donné, chère femme de ménage, tu comprends. Mm. Je pense que ça peut se travailler, ça. Mm. Mais faut mentir, là. Ça, c'est clair, on y va, là. Mais c'est moi, je l'ai fait. Avec un de mes cadeaux, Fred? Non, mais tous tes cadeaux. Tu m'en donnes pas. Non, c'est justement pour ça. Tu me donnes de l'argent. Des vésidollars. Je l'ai encore, moi, le chapeau qu'Antoine m'a donné. Là. Je le mets... Tu l'as jamais vu avec, d'ailleurs? Oui! Petite tranche de vie. Mon père m'avait donné... avait donné à mon gars... Un petit canard à Pâques, là, un petit Donald Duck qui dansait quand tu appuyais sur le pied ou qui criait quand tu le prenais par les oreilles. Et mon gars, là, avait tellement peur. Avec raison. Hein? Avec raison. Peur, hein? Et pour... c'était quoi? C'était... Au profit du 24 heures de Tremblant. Oui, 24 heures de Tremblant. Oh. Et ils nous avaient demandé, pouvez-vous offrir de quoi pour notre encamp? Puis moi, j'avais offert une page de mon livre, tout ça. Puis là, ils sont venus prendre des photos. Puis ils m'ont fait « Ah, ben ça, c'est donc bien cute. » Je fais « Ben, je vais le donner aussi. » Prenez-le. Et là, si mon père me le demande, je fais « Ben, je l'ai donné pour une bonne cause. » Pour le... Ben, ouais. Pourquoi t'as fait ça? Il t'engueule. Non! Juste de trouver une bonne cause. C'est drôle. Parfait. Mais... Non! Le re-gifter? Non! Re-gifter! Ouais. Redonner la patente, c'est extrêmement dangereux. Mm. Mais d'abord, tu donnes un cadeau que toi, tu trouves lettre, là, déjà, oui. C'est en partant. Ouais. C'est compliqué. Mm-hmm. Et ça peut te revenir d'en face. Ouais. Ah, bon, ça, je trouve ça touché. Tu le reçois 5 ans plus tard. Ah! Mm-hmm. C'est tout ça. Mais... En profiter pour faire un fret. Ouais. Il y a un échange de cadeaux un jour dans un groupe. Je éterre les noms des personnes. Elles sont toutes encore vivantes. Puis, il y a des cadeaux plus beaux que d'autres. Oui. Puis, s'il y a un enchère, je pense, on donne de l'argent, peu importe. Puis les gens amènent sincèrement puis humblement un objet. Puis font, ça, je trouve ça pas pire. Puis... Et je suis avec un gars qui l'achète, il dit que ben ça allait. Il achète la patente, c'est comme une affaire en céramique. Il apprend, tout le monde regarde, il fait « Yeah! » Puis il a calé sa terre, passez-moi l'expression. Il a cassé en mille morceaux. Oh mon Dieu! Et là, il y a un frère. Mais c'est voulu, là. Oui, c'est un voulu. Il a dit « Voyons! » Puis là, il fait « Ben, je l'ai acheté, c'est ce que je veux avec. » Je pense que j'ai l'air de le replacer juste à cause de l'imitation. Non, essayez pas. Ça. Mais moi, j'ai beaucoup ri. Mais oui, c'est drôle. Mais c'était touché. C'était touché. Quand même. Ben, en même temps, en fait, je l'achète, c'est à moi. Il n'y a pas de quoi, c'est quoi? Surtout que les gens ont des dans les yeux, puis... C'est laide, là. Ah non, je pense qu'il écoute, il a mis ça dans un sac. En tout cas, c'était pas dangereux. OK. Mais c'était spectaculaire, il a cassé la patate. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça parfait. Espèce de franchise là-dedans. Tu sais, ta femme de ménage te donne ça, puis elle a eu de la misère à le trouver. Tu fais, hey, merci beaucoup. Wow! Ramasse ça, c'est Ramasse-les. Il y a des parties d'échange. Ah, c'est drôle. Parce que tu dis que toi, tu trouves ça laid, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça plus beau. Mmh. Oui, il y a des oui. groupes enlevés notre manteau, entre autres, qui ont parti ça. Mmh. Comme les vêtements. Tu sais, mais au lieu de se donner de nouveaux cadeaux, si on échange de cadeaux, amène quelque chose de chez vous que toi, tu fais, moi, ça. Soit qu'on l'utilise pas, soit qu'on trouve pas ça beau. La grammaire à Jean-Philippe se pointe. Par exemple, elle fait, mais c'est donc bien joli. Puis on échange. Avec un peu de chance, c'est quelqu'un qui va trouver ça beau. On va dire, hey, j'ai ça pour quelqu'un. On a fait ça cette année dans un party avec des livres. J'avais été invité. Ouais. Il dit, au lieu que tout le monde achète une. Tu sais, des fois, tu fais acheter quelque chose de 5 à 10 $ Il dit, la consommation, c'est assez. On va tout prendre un livre que vous avez aimé, que vous avez lu. Puis là, on s'échange ça, là, tu vois, ça, c'est pas pire. Alors, peut-être avec... Ben oui. Ça avec des toute la bêtes. Caisse de magazine Hustler a trouvé preneur, donc. Oh non, monsieur, ça, ça ne quitte pas la maison, mon ami. C'est fou. Ça gagne son sommier. Rapidement. C'est son sommier, oui. Oui. Mais j'allais juste rajouter, tu sais, dans la structure de le péter dans la face, la femme de ménage. Oui, oui. Tu peux même rajouter la phrase, et je cite, « T'es ma femme de ménage, pas ma chum. » C'est fin, ça. Ouais, alors, je te paye, t'es pas obligé d'être mon ami en me donnant des objets, tu sais. Vraiment. Mais peut-être l'assumer complètement, ben, tu sais, c'est ça, pas vivre l'horreur au quotidien, mais si tu mets l'objet sur un socle, mm-hmm. tu fais, pour tous tes amis, si tu fais regarder la joke que j'ai reçue, oui. Mais quand la personne vient, je l'aime tellement que je l'ai mis sur un socle. Socle. C'est sûr. Socle. Il y a aussi ça, tu sais, il y a toujours un endroit dans tous les appartements, maisons, quoi que ce soit, qui est là, mais qu'on voit pas. Il y a une espèce de lieu qu'on passe très rapidement. Ah devant, oui, c'est racoin, là. Ouais, que ce soit, tu sais, un intérieur d'escalier, je sais pas, il y a toujours un bout, le mur juste avant la salle de bain, des choses qu'on regarde pas, tu sais. Tu peux toujours le placer à quelque part que personne regarde. Sauf dans l'angle mort de l'appartement. C'est ça, exactement. Puis il y en a toujours un. Toutes les places, il y a une place où on regarde mais pas. Mais elle va le voir parce qu'elle est femme de ménage. Femme de ménage. Yeah. C'est ça, mais elle va l'apprécier parce qu'elle connaît les coins. Mm-hmm. Ça fait femme de ménage parce qu'elle aime les maisons. Puis les coins. Non, mais... les fabriques. Si on y va avec l'angle être superstitieux. Mm-hmm. Oh! Depuis que t'as reçu ça... t'as plein de malchance. Depuis que j'ai reçu ça, j'ai plus de goût. non, mais t'arrives, tu t'inventes plein d'histoires, tout ça, tu racontes ça à ta femme de ménage, je sais pas, là, quand est-ce que ça a commencé? Tu m'as donné... Quand tu m'as donné Chucky... Quand tu m'as lancé ton esti de sort. Quand j'ai cassé... Enchantresse. Oui. Ton talisman. Quand tu reçois... Non! Quand tu reçois l'objet, t'en mets. C'est magnifique. C'est beaucoup trop beau. T'as exagéré. Quand la visite t'a fait... Où est-ce qu'il est, moi? Ben non. Je vais pas mettre ça sur le mur. Quelqu'un l'accroche. Voyons, c'est toi. La valeur. Non. Je l'ai précieusement serré. Regarde, viens. Regarde, dans la voûte. Viens dans la voûte. Ici. Oui. Voilà, regarde, entouré de tissu, dans un coin avec les souris. Puis pas déballé, ça prend de la valeur. Mmh. Arrête, jamais je vais mettre ça sur un mur. C'est vrai, non, t'es folle, c'est même trop beau. Il y a ces émissions, là, un peu populaires, là, où les artistes sortent une vieille cochonnerie. Oui, c'est ça, vente de garage. Font revamper ça, là, par des artistes. Ouais. Peut-être moyen de faire, si on a l'occasion, tu fais, il y a quelqu'un qui trouvait ça beau. Le transformer que ça devienne beau, que ça devienne possible dans ton environnement, tu fais, un petit coin quétaine. Oui, celui. Peut-être celui un bureau. Qui devient joli. Ouais. Se louer un bureau juste pour ça. Je l'ai mis dans mon bureau. Ouais. Ben, si tu travailles quelque part, moi, tu l'as mis là. Mon nouveau bureau, c'est ça. Ah oui, il fermait une pièce à la femme de ménage. Dire ça, c'est privé, c'est mon bureau. J'aimerais mieux que tu le fasses pas. Je vais le faire par moi-même. Tous tes cadeaux sont là. Puis tu dis, les décorations. Elle peut comprendre que les décorations sont dedans. Ouais. Si c'est un endroit personnel, précieux, où personne ne va. Ça, c'est le garde-robe où je mets mes fusils puis mes menottes. Je te demanderais de pas y aller, si possible. Fait que là, elle l'ouvre. Les cheveux des filles avec qui? Fait que là, elle trouve le trousseau de clés. Elle l'ouvre. Les clés sont couvertes de sang. Et c'est là qu'elle découvre les 12 épouses mortes que t'avais. Pam, pam, puis Manon. Puis Manon. Non, partez-moi pas sur Manon. Là, ta barbe bleue. Il y a cette émission qui s'appelle Antique Roadshow. Oui! C'est bon, ça. Là, tu y vas. Tu fais OK. Ah oui, ça vaut vraiment. Ah oui, vraiment super. Tu y vas. T'enregistres l'émission. Le spécialiste te dit, mais voyons, arrêtez de me niaiser. This c'est squelette. This is horse shit. Ça vaut rien. Là, tu fais, je suis désolé. Là, tu fais, je pensais, j'étais sûr que ça valait une fortune. Je suis premier surpris, je sais pas quoi te dire. Je vous donnerais 10 cents juste pour le lancer. Pour le casser à terre. Mais... lui prouver que ça vaut. Que c'est peut-être assumer là, que c'est le moment de changer... Changer de femme de ménage. Changer les pièces. Changer de femme. Mais non, mais de faire... Hey, Finn, non. Tu reçois quelque chose de même, tu te dis, bon, c'est les grands moyens, là. D'accord. Oui. Ma chambre, je vais la mettre dans le salon, puis mon salon dans la chambre. Le principe des boîtes. C'est excellent, ça. Ouais, j'ai pas défait des boîtes, là, il me reste encore. Ah, c'est tout. Drôle, ça, ouais. Très bon. Ouais. Puis là, soit tu le perds, soit tu le casses, soit tu le... dans une boîte, soit... Tu fais, je l'ai oublié. Tu fais du changement là, pour qu'elle aussi l'oublie. Il y avait une solution sur notre page Facebook qui m'a fait sourire. C'était quoi? La réponse d'Indiana Jones. Oui, j'arrive. J'y vais. Mais continuez à parler, je vous ai expliqué ça. Blah, blah, blah. Moi, j'ai une idée en attendant. Un stratagème qui serait diabolique, c'est de faire briser l'objet par la femme de ménage. Ah, maintenant, tu le mets sur une étagère qui est comme un peu bancale ou quelque chose. Un clou très, très slack. Un clou très slack. N'oubliez pas de nettoyer l'étagère. Oui, c'est ça. Avec vigueur. Hey, Lucie, je te souhaite une belle journée. Et n'oublie pas de nettoyer l'étagère. Quand tu sors, tu fermes la porte tellement fort. Clac, clac. Fait que là, t'arrives, tu rentres, la femme de ménage est en pleurs. Tu sais pas ce qui est arrivé. J'ai brisé moi-même. Je vais t'en acheter un autre. Je vais te faire une autre peinture de trois châteaux avec un pot de crème. Mais imagine, c'est quelque chose qui se brise pas. Tu truques un plumeau. Ah oui! Des barres un peu dures à travers le plumeau. J'ai tout scratché ma peinture. L'incendie, sinon tu mets le feu. C'est Patrick Nadeau qui a écrit « T'as juste à faire comme Indiana Jones et répondre à propos de l'objet, sa place est dans un musée. » C'est drôle. D'ailleurs la raison pour laquelle personne ne s'y rend. On y entasse tout ce qui est trop laid pour être décoratif dans une maison. C'est drôle. Sa place est dans un musée. C'est à Pointe-à-Calière. Et là, s'il y a quelqu'un qui voit là puis qui le voit... Ben oui. Peut-être prendre l'habitude de se déplacer avec l'objet. Enfin, je l'aime tellement, je me déplace avec. Comme ça, il y a plus de risques. On l'expose à plus de risques, tu sais. Peut-être aller faire du camping avec. Ben oui. Oh, le feu de camp. C'est un feu de camp avec... On l'adore, ton objet, Alerte. Ouais. Sans faire un pendentif. Un porte-bonheur. Flavor, flavor. Je l'aime tellement que j'arrive à... Il y a un des enfants qui l'adore. Il va à l'école avec. C'est son nouvel ami. Ou genre... dormir avec. Je l'ai joué au casino. Je l'aimais, mais t'sais, j'ai un problème de jeu compulsif. J'ai joué ton objet, je l'ai perdu. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi j'avais ça au casino. Demande-moi pourquoi. Ou le... J'avais loué un pick. Le crisseau vidange, puis dire qu'il est dans un coffre-fort, dans une banque. Quoi? T'as pas senti le tremblement de terre hier soir? Non. Ben voyons donc. Hey, on s'est fait voler. Un objet qui est tombé. Oui, je t'ose pas de voler. C'est parfait. Coupe de tiroir à l'envers. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris du ballonné, un soulier, puis ça. le rameau tressé que j'ai fait pour ma porte de toilette. Fait qu'on cherche un gars qui manque une jambe. Mais oui, c'est mauvaise haleine, pas de goût. Peut-être juste dire à sa femme de ménage, qui est son amie. « Hey, c'est moi qui paye. Si je veux m'en acheter des cochonneries, je vais le faire. » Ouais. Fais pas ça, tu n'as besoin. Et une autre solution radicale, en même temps, c'est si elle tient vraiment à l'amitié de cette fille-là. Ben, j'imagine. Peut-être la respecter puis lui dire, tu sais, Pierrette, je trouve, j'aime pas ça. Ça ne fit pas dans ma décoration. Marilyn. Mais toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Marilyn, puis je sais que tu vas t'en servir pour ta campagne électorale municipale. Prends-les. Mais c'est ça. Garde ça, puis je le sais que t'es pas riche, fait que je te donne aussi des tampons puis une brosse à dents. Dans le sud. Pour que tu fasses des signes en serviette. Mais c'est vrai que les gens... habituellement, les gens achètent des choses qu'ils apprécient. T'sais, on fait comme... je pense qu'il va aimer ça, mais... T'sais, c'est parce que c'est tes goûts personnels à toi. Tout le temps, mon gars. Des fois, ça vient d'autre monde aussi. Quand le rapport et pas familial ou amical. Ou il pense, en tout cas, bref. Mais peut-être commencer une relation avec cette personne-là de « Hey, on s'achète nos propres cadeaux et on se dit que c'est toi qui me le donne, tu sais. » Oui, ça se fait, ça. Non. Non, pas, mais... La franchise, pourquoi pas? La franchise. Je l'ai fait tantôt. Je trouve pas ça beau. T'es ma femme de ménage. Arrête de m'acheter des cochonneries. C'est l'argent que je te donne pour t'acheter de la bouffe. Oui, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Pour élever ton niveau de vie et éduquer tes enfants, pour pas qu'ils finissent comme tout. C'est pour te laver le visage. T'arrives là, tu cochonnes toutes mes affaires à ta crasse. Cendrillon. J'aimerais en profiter. Ton fond de peau. J'aimerais en profiter pour saluer les femmes de ménage qui nous écoutent, peut-être. En raison de ménage, notre podcast est excellent. Oui, c'est vrai. Maudite portugaise. Mais non, ils ont trouvé un DVD, un CD gravé dans une. Qui ont sûrement volé. Non! Hey, on en a plein sur Twitter. Oui, Sébastien Bouchard, mettre le feu et dire que le cadeau y est passé aussi, oui. Ce qui est probablement vrai. Mm-hmm. Stéphanie qui écrit, dire à cette personne que le chien l'aurions probablement marré. C'est drôle. Blue Lock, okay. L'exposer sur le rebord de la fenêtre et dire que ton chat l'a fait tomber. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même Pas des petits twists, là. Matt... April, qui a écrit « Engager un ami complice qui, lors d'un souper, l'accrochera par accident, entraînant la destruction de l'objet. » De le faire devant elle, Ah, c'est payant, ça. Ouais, hein? Djibou? On l'avait pas matché, elle, Djibou? Oui. Elle est installée derrière un mur pivotant. Quand la personne arrive, on pivote le mur. C'est un peu la batcave, là. Ça tombe bien. Ouais. Hey, j'ai une idée. Peut-être devant la femme de ménage, simuler une chicane de couple dégueulasse où des objets sont lancés et fracassés sur le mur. Complètement. C'est drôle, ça. Je pense que les gens se lancent un peu de mousse, oui. des éponges à bain, puis ça. Salaud! Attends, je pense qu'Alex Pinault a ma solution préférée jusqu'à maintenant. Oui. Jouer la femme de ménage. Rendre le reste de la maison complètement affreux pour que le cadeau-lait paraisse beau. C'est smart, ça. Ben d'accord. Très bon, ça. Manon, tu m'inspires. Mm. Messieurs, avez-vous des solutions qui vous tentent là-dedans? Moi, je dois avouer que j'aime ça, rendre le reste de la maison complètement laid. Tu fais ta décoration autour de cet objet-là, puis là, elle s'emballe. Moi, je pense que c'est vraiment briser l'objet devant elle ou le faire par elle, parce que ça implique qu'elle pleure, puis j'aime cette image-là. Puis les larmes vont peut-être nettoyer un peu. Son front, plein de sueur. Oui. Je sais plus. J'oublie toutes les solutions. Ouais, faudrait que je réécoute. Non, il y en avait des bonnes, là. Là, je pense que là, il y a de quoi à faire. Ouais. On aide, là. Banjo, il envoie tout le temps des bonnes solutions. Ouais. Banjo. D'ailleurs, ça va bien, lui. Je veux savoir comment vont les Les dogmes battle dans tes cours de philo. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. C'est lui, ça. Dogme battle. Ouais. Ma solution préférée, c'est de lui dire. Ouais, il y avait ça aussi. Voilà, c'est le petit coffre de sûreté imaginaire. Ouais, non, j'ai mis ça à la banque. Pour mes petits-enfants. Oh, la petite pièce, je l'aimais aussi. Mon mur est pas digne. La petite pièce, je vois pas là. Ouais. Ou au bureau, ailleurs. J'ai mis ça au bureau. Chez mes parents. Ouais. Dans mon ancienne chambre. Je sais pas. Là où tous mes plus beaux souvenirs sont. Non, mais tu sais... Tu travailles là aussi. Mon bureau, c'est bon parce que tu peux dire, tu sais, chez nous, personne vient, mais au bureau, j'ai des passants à tous les jours qui viennent. Puis tout le monde pointe en riant. Tout le monde dit que c'est laid. Ça rend les gens heureux, là. Ton portrait de moi un chapeau. Les gens ne se parlaient plus avant ça. Ouais. C'est un bel assemblage de cocottes. En tout cas, ma cocotte. C'est le plus beau hibou en laine que j'ai jamais vu. J'en ai jamais vu un, mec. Un beau hibou. Il a l'air d'un vrai. C'est vrai. Il me juge comme les hiboux. La semaine prochaine, de quoi qu'on parle, Frédéric? La semaine prochaine, c'est un problème qui nous vient de Patrick Nadeau, qui va faire la solution à Indiana Jones. Parfait. Rendez-vous sur Facebook pour voir c'est quoi le problème. Wow. Oui, puis il y a 5 ou rien aussi que ça fait un bout. 5 ou rien. Allez sur iTunes. On veut des 5 étoiles. Et non seulement ça, envoyez-nous de vos problèmes par courriel. Pas de problème, @gmail.com. Oui. Pas de problème, POD, problème. Là. C'est tout pas de problème. Oui, hey, merci Sonar. Merci Vincent. Encore une fois. On l'a réveillé. Mais il n'y a pas ce qu'on lui a donné l'autre fois, notre bibelot. Continuez à nous suivre. Nous, on enregistre à peu près aux 4 semaines. Ouais. Puis, voyez, sur Twitter, il y a des gens qui nous proposent des solutions. Donc, on essaie de l'écrire sur Facebook, essayer de nous suivre et nous proposer vos solutions pendant qu'on enregistre. D'ici là, vous avez un problème? Nous avons un podcast.